بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد والحمد لله. On continue dans cette risale al-mubaraka de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala, qui est Nawaqid al-Islam. Dans ce ders, inshallah, nous allons commencer par prendre al-Naqid la septième annulation. Donc nous commençons par la parole du Cheikh rahimallah. Il dit al-sabi'a, la septième annulation, al-sihr wa minhu al-sarfu wal-ataf faman fa'alahu aw radiya bi kafar والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. نعم. Donc premièrement, السحر. طيب, c'est la sorcellerie. Ou parmi la sorcellerie, الصرف. Le صرف, ce serait le fait de détourner un aimé d'un être qu'il aime, comme le fait de détourner un mari de sa femme. أو العطف, le fait de faire aimer une chose qui, à la base, est prise en inversion. Voyez? Le fait de faire aimer une chose qui est prise en inversion. فَمَنْ فَعْلَهُ أَرَضِيَ بِي كَفَرْ. Donc celui qui fait cela, ou qui l'agrée, a certes mécru. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en parlant des deux anges, voyez, qu'il envoyait afin d'éprouver les gens, par rapport à la sorcellerie, il dit, et il n'enseignèrent à personne sans qu'ils ne lui disent, nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. Premièrement, à savoir que al-sihr, littéralement parlant, c'est toute chose dont la cause est dissimulée et qui a un effet ou un impact sur autrui. Et c'est une chose dissimulée, une chose obscure. Tout comme également, al-sahar a été appelé sahar, c'est-à-dire le temps qu'il y a avant le fajr, pour l'obscurité dans laquelle se trouve ce temps, cet horaire. Et Shal'an, en point de vue législation, le sihr, il ne lui a pas été trouvé de définition complète qui puisse englober tous les sens, compris dans le sihr, car il y a de nombreuses catégories, de nombreuses définitions lui ont été trouvées, cependant, aucune ne fut vraiment concise, ne put qualifier tout ce qu'englobe le sihr. Naam. Donc nous commençons à lire la parole du Cheikh Fawzan Hafizallahu Ta'ala. Il dit An-Nawr al-Sabi' min anwa' ar-Ridda al-Sihr. Donc la septième catégorie parmi les catégories d'apostasie, la sorcellerie ou la magie. Wa al-Sihr 'amalun ya'maluhu al-Sahir. Donc la sorcellerie est une chose appliquée par le sorcier. Wa huwa 'ala nu'ayn. Et il est des deux sortes. Sihrun haqiqiyun, sorcellerie réelle, concrète, ou sihrun tahyili, et une sorcellerie fictive, qui peut être aussi appelée comme l'illusionnisme ou la prestidigitation. Donc, il dit un nom al-awwal. La première catégorie, la première sorte, sihrun haqiqiyun. Sorcellerie réelle, concrète. Ou ibaratun an uqdin yanfathu fiha as-sahir. Il s'agit, par exemple, de nœuds dans lesquels souffle le sorcier. Ou ruqa ou kalam yutamtimu bihi. Ou d'incantation de paroles qui murmurent. Ou yasta'inu bi shayatin fi kalamihi. Et il recherche de l'aide auprès des shayatin dans sa parole. وَعَزَائِمْ يُعَلِّقُونَهَا, ou des colliers, des talismans qu'ils accrochent. وَكِتَابَتْ تَلَاسِمْ يَكْتُبُونَهَا بِأَسْمَى الشَّيَاطِينَ, ou qu'ils écrivent des choses parmi les noms de shayatin dans ces talismans qu'ils portent. هَذَا وَالسِّحْلُ الْحَقِيقِ, et celui-là, ou celle-ci, est la sorcellerie réelle, concrète. هَذَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَسْحُورِ, et elle a un impact sur l'ensorcelé. Imma bi qatlihi, soit en le tuant, imma bi imradihi, soit en le rendant malade, وَإِمَا بِإِخْلَالِ بِعَقْلِهِ ou en causant une défaillance dans sa raison, dans sa réflexion. Naam. Et la preuve que cette sorcellerie est réelle, طيب, et concrète, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ وَلَا مُلْكِ سُلَيْمَانِ et ils suivirent ce que les shayatines racontèrent contre le royaume de Suleyman. Et également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha le rapporta dans un hadith dans Sahih Bukhari, qu'il fut atteint de sorcellerie à tel point qu'il s'imaginait qu'il avait des rapports avec ses épouses, chose qui n'était pas le cas. Naam. Et à savoir également que les plus grands pratiquants de la sorcellerie, ceux qui la propagèrent le plus, ceux qui en ont plus de science, sont les juifs. Quant à lahumullah. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont ensorcelé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc là, il s'agissait de la première catégorie. La deuxième catégorie, tahyili, fictive, illusionnisme. Bien yarmala ashiya'a yukhayyiru ilannas anna sahiha. Qu'il fait des choses et fait croire aux gens que ces choses-là sont réelles. Wa hiya ghayr sahiha, alors qu'elles ne le sont pas. يخير للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان. Il fait croire aux gens qu'il peut transformer une pierre en animal. أو أنه يقتل شخصا ويحييه. Et qu'il puisse tuer un homme, un individu, puis le ressusciter, lui rendre la vie. يقطع رأسه ثم يرده. Ou qu'il lui tranche la tête, puis qu'il la remet en place. أو أنه يجر سيارة بشعله. أو أنه يجر السيارة بشعره أو بأسنانه أو كي تير une voiture avec ses cheveux ou avec ses dents أو أن السيارة تمشي عليه ولا تدره أو كي une voiture lui roule dessus sans que cela ne lui fasse de mal أو أنه يدخل في النار أو كي rentre dans le feu أو يأكل النار أو كي mange du feu qui le rend dans sa bouche أو يطعن نفسه بالحديد أو كي se plante par du fer يطعن عينه بأسياخ الحديد أو كي se plante avec des pieux de fer. Or, yakul zujaj, ou qu'il mange du verre. Kuladi min anwar al-shi'udha. Et tout ceci font partie de l'illusion. Wa hiya la haqiqata laha. Et elle n'a pas de sens réel. Cela n'est que fictif. Mis sih li saharata fil'aun. Comme était la sorcellerie des sorciers de Fil'aun. Qala ta'ala yukhayyiru ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Et il lui faisait croire, de par la sorcellerie, qu'elle bougeait. C'est-à-dire que les sorciers de Pharaon firent croire à Moussa alayhi salam, tayyib, que leur bâton qu'ils jetèrent, qui se transformait en serpent, bougeait. Cela n'était qu'illusionnisme, et non pas de la sorcellerie réelle. Wa qala ta'ala, saharu ayunan nas wa stahrabuhum. Et ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent. Et nous connaissons cela. Cela est fortement répandu dans le monde, comme nous avons pu, comme beaucoup d'entre nous ont pu le voir auparavant, avant leur istiqama ou leur islam à la télévision. Nous voyons ces gens, comme on dit, des charlatans qui viennent, qui vous font croire qu'ils accomplissent des phénomènes, comme cela a été cité, qui portent des voitures sur leur tête, ou qui se rendent dans des boîtes, qui se tranchent avec des épées, ou qui s'enchaînent dans de l'eau, ou je ne sais quoi d'autre. Voyez, tout cela rentre dans ce genre de sorcellerie. Voyez. Cela n'a pas de réalité, tout simplement il s'agit là de quoi? De manigance, ou d'habilité, ou de gestes, ou comme on appellerait ça, des tours de passe-passe. Pour beaucoup d'entre eux. Et tout cela, bien sûr, Tayyib n'a pas de réalité. Et ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Tayyib, ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Naam. Enfin, nous reprenons qu'à part de Cheikh Fawzan, il dit, Haza sihrun tahyili. Il s'agit là de sorcellerie fictive, d'illusionnisme. Wa haza yusammunahu القمرة. Ils appellent cela illusion. التي يعملها الساحر على عيون الناس. Ce que le sorcier, طيب, applique aux yeux des gens. ثم إذا انتهت القمرة. Puis si l'illusion se termine, cesse. عادت الأشياء إلى حقيقتها. Les choses reprennent leur place et redeviennent comme elles étaient auparavant. Et certains savants, طيب, disent que ce genre de sorcellerie ce genre d'œuvre ne sont pas de la sorcellerie. Mais tout simplement, cela a été appelé sorcellerie pour sa ressemblance avec la vraie magie, la vraie sorcellerie. Et la nesil al-haqiqi. Tout comme cela, par exemple, est venu, que le prophète Mohammed sallam a dit Inna min al-bayana la sihra. Certes, parmi l'éloquence, certes l'éloquence est de la sorcellerie. Le fait de parler et d'enchanter les gens par des bonnes paroles, par le beau verbe, c'est-à-dire cela a un impact sur les gens. Et pourtant, l'éloquence n'est pas une sorcellerie et ne rentre pas dans ce qui a été cité auparavant. Donc cela prouve que cela est la preuve de certains savants qui disent que al-sihl al-tahyili hakikatan li sabisih, qui n'est pas réellement de la sorcellerie, mais juste qui lui ressemble. Donc Cheikh Fawzan reprend en disant wal-sihl kufrun, et la sorcellerie est du kufr, de la mécréance. وَالدَّلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, les shayatines ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. السِّحْرُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ كُفْرٌ بِاللَّهِ. Taïeb. La sorcellerie, son apprentissage et son enseignement sont de la mécréance. وَنُوعٌ مِنْ أَنْوَعِ الرِّدَّةِ. Il est une catégorie parmi les catégories d'apostasie. فَالسَّاحِرُ مُرْتَدٌ. Donc le sorcier est un apostat. إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ سَحَرَ فَإِنَّهُ يَرْتَدُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ. S'il était croyant, puis appliqué à la sorcellerie, alors il aura apostasié de la religion de l'islam. وَيُقْتَرُ وَلَا يُسْتَتَابُ. Et il se fait tuer, طيب, et il ne lui est pas demandé de se repentir. عِنْدَ بَعْدَ الْعُلَمَا. Et cela est la parole de certains savants. À savoir que cette parole-là, le fait de tuer le sahir, tayyib, c'est un jugement qui n'a pas de dalil sahih remontant au prophète Mohammed sallam authentique. Cependant, telle était l'action des sahaba. Il est connu de certains sahaba comme Othman, tayyib, Ibn Omar, ou Hafsa, ou autres que, radiallahu anhum ajma'in, qu'ils tuèrent les sorciers. Naam. Donc, le Cheikh Fawzan dit que on le tue sans que il lui soit demandé de faire tawbah. قال لأنه حتى لو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس. Donc si même si il prétend ou fait laisse apparaître un repentir, il se peut qu'il trompe les gens. ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. Et que la science de la sorcellerie, طيب, ne sortira pas de son cœur même s'il fait tawbah. C'est-à-dire qu'il pourra s'en servir un bon escient quand cela lui chante. Donc de là, certains savants disent qu'il ne faut pas le faire tawbah, le l'appeler à faire tawbah, mais le tuer directement. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit, c'est-à-dire les deux anges dire, ou lorsqu'il dit les deux anges, qu'ils n'enseignèrent à personne sans qu'ils ne leur disent nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. الله جل وعلا انزل ملكين من السماء يعلمان السحر. Allah fit descendre deux anges des cieux afin d'enseigner la sorcellerie. Ibtila'an lin-nasi wa imtihanan lin-nas, afin d'éprouver et de tester les gens. Fa idha ja'ahum man yuridu ta'allum as-sihri nasahahu. Et si il leur vient quiconque voulant apprendre la sorcellerie, ils le conseillèrent et lui dirent innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. Ya'ni la tata'allam as-sihr, c'est-à-dire n'apprends pas la sorcellerie. فدل على ان تعلم السحر كفر. Et cela prouve que l'apprentissage de la sorcellerie est du kufr. De là, c'est terminé la parole de Cheikh Fawzan et nous allons exposer un détaillé par rapport à ce jugement qui est le fait d'apprendre la sorcellerie. Quel est le jugement qui en est tiré? Est-ce qu'il s'agit là de kufr ou pas? Car il y a divergence sur le sujet. Il y a trois paroles sur cela. La première parole, que c'est du kufr akbar. Taïeb, le fait d'apprendre la sorcellerie est du kufr akbar. Et telle est la parole de Al-Bukhari, l'imam Malik, et pareillement, Cheikh Fawzan, comme cela apparaît clairement dans ses paroles. Naam. Donc eux voient que le fait d'apprendre la sorcellerie, cela est du kufr. Deuxième parole, que cela n'est pas du kufr. Et il s'agit là de l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et il prit comme preuve l'histoire de Aïcha, radiallahu anha, qu'elle fut ensorcelée par une de ses servantes. Taïeb. Et après avoir été ensorcelée, elle vendit cette servante et ne la tua pas. Mais il a été dit que, cependant, même si cette histoire se voit véridique, il se peut que cette sorcellerie dont fit usage cette servante fut Al-Sihr Al-Tahyili, c'est-à-dire la sorcellerie fictive. La sorcellerie fictive. Et non pas Al-Haqiqi, la réelle. Naam. Donc, cette parole-là, Yani, est une parole qui est discutable. Et la troisième parole, Tayyib, c'est le développer, qu'il y a un détaillé sur la question. Et tel est l'avis de Cheikh Othaymine et l'imam Shafi'i, rahimahumullah. Ils disent que si l'apprentissage de cette sorcellerie, ou plutôt si cette sorcellerie, Tayyib, est par le biais de Shayatin, alors cela est du kufr. C'est-à-dire, comme le sir et le haqiqi. Et ils disent que si cela est parmi le biais de plantes, ou de médicaments, ou de poudre, ou d'autres choses, taillées, que cela est un grand péché, mais sans pour autant être du kufr. Et ce qui apparaît, c'est que le détaillé, inshallah, est al-qawl ar-rajih, la parole qui est la plus véridique. C'est-à-dire, à savoir que l'apprentissage de la sorcellerie, si celle-ci ne revient pas au sir al-haqiqi, taillées, qu'il s'agit là d'un grand péché et non pas de kufr. Wallahu a'lam. Donc de là, alhamdoulillah, nous venons de clôturer la septième annulation qui est al-sihr, la sorcellerie, avec sa division de catégories comme nous l'avons pris, qui est al-sihr al-haqiqi, c'est-à-dire la sorcellerie réelle, ou al-sihr al-tahyili, qui est la sorcellerie fictive, c'est-à-dire l'illusionnisme. Naam. Donc nous poursuivons en rentrant dans al-naqid al-thamin, tayyib, la huitième annulation. La huitième annulation. Donc, Shir Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahmallahu ta'ala, qu'al. Donc, le Shir dit, Al-Thamin, Muzahiratul Mushrikin, wa Mu'anawatuhum, wa Mu'awanatuhum ala al-Muslimin. C'est le fait d'apporter soutien aux Mushriks et de les aider contre les Muslims. Wa li'adhu billah. Premièrement, savoir que Al-Muzahara, tayyib, Al-Muzahara, littéralement parlant, c'est l'apporter de l'aide. Et apporter de l'aide et une alliance, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا تَكُونَنَّ ظَهِرًا لِلْكَافِرِينَ, et ne sois pas un soutien pour les mécréants. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِلَّا الَّذِنَا عَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ قَدُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. Hormis ceux avec qui vous avez conclu un pacte parmi les mouchriquines, et puis qu'ils ne l'annulèrent point, et qu'ils ne portèrent point soutien contre vous, à personne. Et également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قَالَ رَبِّي بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَّكُمْ ظَهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ, qui est la parole de Moussa lorsqu'il dit, ô mon Seigneur, pour ce que tu m'as accordé comme bienfait, je ne serai point un soutien pour les criminels. Al-Muzahara, tayyib, Al-Muzahara est une catégorie parmi l'amour et l'alliance portée au kuffar. Et celle-ci peut être, cette alliance portée au kuffar, peut être de différentes sortes. Elle peut être par l'acte. Comme le fait, par exemple, de s'allier à eux contre les muslimines, a'udhu billah. Et cela est du kufr. Elle peut être également bilqalb, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu souhaites qu'ils aient le dessus sur les croyants. Et cela te réjouit. Et de là, nous mettons en attention une chose, comme cela s'est produit à Demej, en ces derniers événements avec le Rawafid, quant à l'Ahmullah, que certains frères, wali a'udhu billah, ont osé dire que ce qui est arrivé à Demej, cela est bien fait pour eux. Cela est la conséquence de leur zulm, cela est la conséquence de leur péché, et ainsi de suite. Et peut-être même que certains ont espéré que Demej soit anéanti à jamais. Et nous craignons pour ces gens-là que ce sentiment dans leur cœur ne rentre dans ce naqid de l'islam. Il n'est pas permis de souhaiter le dessus des kuffars sur les muslimines, ni les Rahawatha, ni les juifs en Palestine avec nos frères, ou ni les Américains en Irak, ou quoi que ce soit à ce qui y ressemble. Il n'est pas permis de souhaiter à ce que les koufars prennent le dessus sur les muslimines. Qu'ils soient des salafis, des ikhwans, des soufis, tant qu'ils sont des muslims et que les autres sont des koufars, il n'est pas permis de souhaiter leur victoire sur eux. Cela est interdit. Et cela est parmi les nawaqid al-islam. C'est-à-dire le fait de souhaiter cela dans son cœur. Et également, parmi l'alliance qui peut être portée par les koufars, par le fait de faire leur éloge, le fait de les vanter. Cela également est une forme d'alliance pour eux. Le fait de dire, de parler d'eux en bien contre les muslimines, tabran. Le fait de parler en bien des kuffars et de vanter leur force, tayyib, et de les glorifier face aux muslimines. Cela rentre dedans. Naam. Et il est connu que les muslimounes, tayyib, les muslims, il aurait ordonné d'avoir de la haine et de l'animosité envers les kuffars. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لَا تَعِذِ الْمُؤْمِنُونَ كَافِرِينَ أَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Et que les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Et également, il dit, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi ainsi que le vôtre comme allié. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahud wa al-nasara awliya'a. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ou certains sont alliés les uns des autres. L'animosité à porter envers les mécréants doit être pour leur propre personne, premièrement. Pour leur propre personne. Deuxièmement, pour leurs adorés, leur doctrine et leur religion. Nous devons de les détester, de les haïr. Car leur doctrine est fausse. Taïeb, leur doctrine est contraire au Coran et à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, que cette animosité, cette haine soit apparente. Il faut qu'elle soit apparente. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Vous avez certes un bon exemple dans Ibrahim et de ceux qui étaient avec eux lorsqu'ils disent à leur peuple que nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons, nous nous désavons de vous. Et à débuter entre nous et vous l'animosité et la haine, à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et ce verset est clair, prouvant qu'il est obligatoire de se désavouer, de se désolidariser des mécréants et de leur montrer cela. Il faut que cela soit apparent. Il ne suffit pas de les détester et face à eux de faire comme si de rien n'était, comme si c'était nos amis. Cela n'est pas permis. Wal'iyadhu billah. Cheikh Fawzan, également dans son livre Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu, a catégorifié les gens en plusieurs sortes. Premièrement, celui dont il est obligé d'avoir une alliance absolue catégorique. Et aucune animosité à son encontre. Aucune. Et eux sont, yani, parmi les croyants, les prophètes, les gens pieux. Ces gens-là, l'alliance avec eux est obligatoire. Et l'animosité envers eux est interdite. Deuxièmement, celui dont il est obligatoire d'avoir de l'animosité envers lui. Et une animosité catégorique, absolue, sans condition. Aucune alliance avec eux. Et ceux-là sont les kuffars et les mushrikoun. Walzana adikor et les munafikoun. Voyez. Et c'est ces gens-là que Shir Muhammad ibn al-Wahhab a visé dans ce naqid. Le fait d'aider ces gens-là. Naam. Et la troisième catégorie, celui dont l'alliance ou le désaveu varie en fonction de son degré d'obéissance. Et cela est valable pour les mubtadi'ah. Et les gens désobéissants, les foussacs, les pervers. Car, bien qu'ils aient des erreurs, ils restent des croyants, donc nous devons les aimer. Seulement notre amour est à un certain degré. Voyez, à un certain degré, l'amour que nous leur portons n'est pas comme celui que nous portons aux gens pieux, aux gens droits, aux salafis, et ainsi de suite. Ou plutôt, il est connu que le Moutadia, nous devons le détester. Mais seulement notre animosité envers lui n'est pas comme celle des koufars, car il reste toujours un musulman, un mu'min. Naam. Et il en est de même pour le désobéissant. Également, les gens face à l'animosité qu'ils portent aux koufars, sont de quatre catégories. La première, ceux qui ont une animosité apparente et intérieure. Vous voyez, dans leur fort intérieur, ils détestent les koufars. Et ils leur montrent. Ceux-là sont ceux qui ont réalisé le tawhid, la ilaha illallah. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils détestent les koufars et ont la haine envers eux et leur montrent cela. Et cela est apparent sur eux. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas d'animosité apparente et ni intérieure pour les koufars. Et ceux-là sont les koufars eux-mêmes. Vous voyez, ceux-là sont les koufars eux-mêmes. Inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Et certes, les injustes sont alliés les uns envers les autres. Troisièmement, celui qui a une animosité apparente qui leur montre, mais non intérieure. C'est-à-dire, au fond de lui, les aime. Et ceux-là, qui sont-ils? Ceux-là sont « al-munafiqoun », les hypocrites. Quatrièmement, celui qui a une animosité intérieure et non apparente. Et cette personne-là est de différents cas. Cette personne-là est de différents cas. Premièrement, il se peut qu'il soit une personne qui soit contrainte à cela. C'est-à-dire qui fait contrainte à montrer une certaine alliance envers les koufars. Comme une personne qui serait sous menace de se faire châtier, de se faire torturer, de se faire avoir des problèmes réels causant préjudice à sa personne, à sa santé, à ses biens. Voyez, comme cela fut le cas de Ammar ibn Yasir, qui fut torturé par les mouchrikoun afin qu'il insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il fut, ou chose qu'il fit. Il se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'informa de cela. Le prophète lui demanda, qu'as-tu ressenti lorsque tu prononçais ces paroles? Il dit, je me sentais mu'min, croyant. Il lui dit, alors s'il recommence, toi aussi recommence. C'est-à-dire, s'il te reprenne et te retorture, alors il t'est permis de proférer ses propos. À savoir que ces paroles ne sont le fruit que de la contrainte, et non pas d'une croyance, que de la contrainte. Naam. Et en ce qui concerne la contrainte, Inch'Allah, une parole résumée sera donnée, Inch'Allah, en fin de livre. Donc deuxièmement, celui qui leur fait apparaître un amour, mais cela en vue de quoi? D'intérêts mondains, de biens mondains, comme pour obtenir de l'argent, pour obtenir un rang, une profession, ou ainsi de suite. Ou pour peut-être se préserver de leur mal, qu'il craint pour sa personne. Mais celui-là, yani, l'animosité est présente en lui. Tayeb, elle est intérieure, elle est là en lui. Cependant, il leur montre le contraire pour un intérêt quelconque. Cependant, bien qu'il leur montre un amour, il ne leur montre pas un amour pour leur, il ne fait pas cela par secours ou soutien pour leur religion, ou pour leur croyance, ou contre les musulmans, mais comme nous l'avons dit, pour un intérêt mondain. Tayeb, il ne fait pas ça pour leur religion, ni pour s'en prendre aux musulmans. Et celui-là n'aura pas mécru, cependant il aura commis un grand péché. Il aura commis un très grand péché. Et le troisième, c'est celui qui leur fait apparaître une alliance et un soutien et un secours et un agrément de leur religion. Et qu'il est avec eux dans leur rassemblement, il s'allie à eux. Et dans le secours, voyez, à tel point que les mouchriks le comptent des leurs. Ils le comptent parmi les leurs. Enfin, celui-là est un kafir. Et également, il le secoue contre les musulmans. Il se lie à eux afin de combattre les musulmans. Donc celui-là est un kafir et il n'a aucune excuse. Lui, son islam se voit abrogé et se voit annulé pour cet acte. Même si au fond de lui, il les déteste. Pour cet acte qu'il aura commis, il se verra sortir de l'islam. Naam. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alayhi ghadabun min Allah wa lahu 'adhabun 'azim. Donc la traduction serait: quiconque a mécru en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité envers la croyance. Quant à ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là subiront une grande colère d'Allah, ils auront un châtiment terrible. De là, nous voyons également le grand danger qu'encourent ceux qui viennent des pays d'islam pour vivre chez les koufars et se battent et luttent de tous leurs moyens afin d'obtenir la nationalité des koufars. Cela n'est pas permis, et les savants sur ce sujet sont catégoriques. Il n'est pas permis de prendre la nationalité des koufars. Et d'ailleurs, même dans le livre de Cheikh Fawzan, Hafizallah, dans Al-Wala wal-Bara, il le cite, que celui qui a une nationalité de pays musulman et celle des koufars, et qui est en mesure de pouvoir se débarrasser de ce koufar, il est obligatoire de la délaisser et de s'allier aux musulmans seulement. Et également, celui qui est en mesure d'obtenir une nationalité des pays, des pays des musulmans, il est obligatoire de s'efforcer d'aller la chercher. Il est obligatoire de tenter de l'obtenir. Et cela est parmi al-wala al-bara. Al-wala al-mu'minin wal-bara min al-kafirin wal-kuffar al-mushrikin. Le fait de s'allier aux croyants et de se désavouer des mécréants. Cela est obligatoire. Cela est obligatoire pour tout mu'min. Cela est obligatoire pour tout croyant. Donc là, nous reprenons, Inch'Allah, avec le commentaire de Cheikh Fawzan sur ce naqid. Il dit, Al-Thamin min anwa' al-ridda, le huitième parmi les genres d'apostasie. Muzayarat al-mushrikin ala al-muslimin, le fait de soutenir les mushrikin contre les muslimines. C'est-à-dire, Ey, mu'awanatuhum, le fait de les soutenir et de les aider. Falmuzahiratu ma'naha al-mu'awana. Donc, le soutien, son sens est l'aide. Le soutien au kuffar veut dire par là leur apporter de l'aide. Bi'anna tu'ayyin, bi'anna tu'ayyin al-kuffar, du fait que tu les supportes et que tu les aides. Ala qital al-muslimin wa ziyat al-muslimin, que tu les aides à combattre les muslimines et à leur porter nuisance, à leur porter préjudice. وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. Et pareillement, celui qui aime les koufars, celui-là a certes mécru. وَهَذَا وَتَوَلِّي. Et cela, c'est l'alliance. وَمَنْ يُوَلِّيهِمْ مِنْكُمْ فَإِنَّوْ مِنْهُمْ. Et quiconque s'allie à eux, alors il est sept des leurs. يَتَوَلَّاهُمْ بِالْمُنَاصَرَةِ وَالْمُظَاهِرَةِ. Qui s'allie à eux par le secours et par le soutien. أَوْ يَتَوَلَّاهُمْ بِالْمَحَبَّةِ. Ou alors qu'il leur porte alliance par l'amour. فَإِنَّوْ يَكْفُرُ. Celui-là, il mécroit. لِأَنَّهُ أَحَبَّ الْكُفَّارِ. لأنه أحب الكفر وأحب الكفار. Car celui-là aura aimé la mécréance et aura aimé les kuffars. فيكفر بذلك. Donc il aura mécru par cela. إذا أحبهم معناه. S'il les a aimés, cela veut dire أنه لم ينكر الكفر. Qui n'aura pas blâmé le kuffar. ومن لم ينكر الكفر هو كافر. Et celui qui ne blâme pas le kuffar, celui-là est un kafir. Donc ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab cite un verset en preuve de ce naqid et il dit والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et il dit celui qui leur porte alliance parmi vous leur fait partie des leurs, et certes Allah ne guide pas le peuple, un peuple d'injustes. Donc le shir hafizallah Cheikh Fawzan cite en commentaire de cette parole يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. C'est-à-dire, أي لا تتولاهم لا بالمظاهرة ولا بالمحبة ولا بالمعاونة. أي لا تتولاهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة. C'est-à-dire, ne vous alliez pas à eux, ni par un soutien, ni par un amour, ou ni par une aide. ومن يتولاهم منكم. Et celui qui s'allie à eux, c'est-à-dire parmi les musulmans, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. C'est-à-dire, il sera parmi eux, c'est-à-dire les Yahoud, أي يَكُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. C'est-à-dire qu'il sera parmi les Juifs et les Chrétiens. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى رِدَّتِهِ. Et cela est une preuve sur son apostasie. ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et ensuite il dit, certes Allah ne guide pas le peuple d'injustes. فَسَامَهُمْ ظَالِمِينَ. Et Allah les appela, et Allah les nomma comme étant injustes. À savoir que là, il s'agit de quoi? Al-Zulm al-Akbar. De la plus grande injustice qui est considérée comme du shirk ou comme du kufr. Wal'a'udhu billah. Et de là, nous réitérons notre conseil pour nos frères que parmi les causes qui amènent à aimer les kuffars, voyez, bien que cela ne soit pas le cas pour beaucoup d'entre nous, walhamdulillah, wa nasallallahu yusabbitana ala dhalika, cependant, parmi les choses qui amènent à aimer les kuffars, le fait de vivre auprès d'eux, le fait de vivre en leur milieu, le fait de les côtoyer, le fait de leur parler, le fait de les saluer, le fait de rigoler avec eux, toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là n'ont lieu que en étant en leur milieu. Tayyib, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que leurs deux feux, c'est-à-dire le feu du muslim, celui du kafir, ne doivent pas se voir. Ce qui inclut une longue distance à établir entre eux deux. Le mu'min ne doit pas être, on ne doit pas vivre au milieu du kafir. Et il est connu que le prophète Mohammed sallam s'est déjà désavoué de ceux qui vivent parmi les musulmans au milieu des kuffars, des mouchriquins. Donc de là, inshallah, à nous de nous réveiller et à nous d'agir et de faire les causes tayyib par crainte d'Allah de nous tomber dans des choses qui annulent notre islam, comme le fait de vivre là-bas pour autant, pour par la suite de voir notre islam changer. De voir notre croyance changer, de voir notre manège dévié. Fa nas'alallahu thabat. Donc de par ces paroles, inshallah, nous clôturons ce naqid al-thamin, cette huitième annulation, qui est muzarat al-kuffar ala al-muslimin, le fait de porter soutien aux kuffars contre les muslimin. Et de là, nous disons, walhamdulillahi rabbil alamin.